Les éditions de l'avenir présentent Le progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 8, colonne 1. Haverhill, Massachusetts. Monsieur J. Moisan, de Amesbury, a bien voulu se charger de l'agence de ce journal pour ce village. Il est par conséquent autorisé à solliciter des abonnements nouveaux et à en percevoir les argents qui nous sont dus. M. A. D. Crépeau, fabricant de chaussures, a bien voulu se charger de l'agence de notre journal pour la cité de Haverhill et les environs. Il a, en conséquence, qualité de recevoir de nouveaux abonnés et paiement des abonnements échus. M. Crépeau est en même temps agent pour la vente de billets de passage pour les lignes de chemin de fer Passumpsic and Boston Airline. Samedi soir, Philippe Oraldo, un Italien faisant le commerce de fruits, s'est aperçu qu'on lui avait volé 93 $, fruits de ses épargnes, et qu'il avait caché dans la chambre qui lui sert de magasin. L'argent était encore en place à 4 heures et à 6 heures, il avait disparu. Un nommé Richard L. Pittsburgh, ayant été vu rôdant autour de la maison pendant ce temps-là, a été arrêté. Il a été trouvé dans ses poches la somme de 106 $. Sa cause paraîtra devant le juge de police samedi matin. Le yacht America, monté par le gouverneur Butler et quelques amis, est arrivé au barrage dimanche matin pour rencontrer le vapeur Fawn qui devait l'accompagner dans sa croisière vers l'est. Après avoir attendu environ 2 heures, un officier est descendu à terre et, ayant téléphoné à Newburyport, il a été répondu que le Fawn était parti pour Boston samedi, probablement pour aller à la rencontre de l'America. À cette nouvelle, ce dernier est parti dans la direction de Bayview. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.